Parce que donc, tu as été à l'école? Tu Ouais. es allé à l'école? Bien sûr, oui. Ah oui, mais pas tant que ça, ouais. Tu sais, je suis partie à l'école, j'étais 8 ans. Donc, bon, à 14, 15 ans, j'étais gardée à la maison hein, pour aider. Fallait avoir à manger, tu sais, à ce moment-là. C'était l'après-guerre. Oui, c'est ce que tu disais, Là, les ouais. parents étaient pauvres. Hein. Oh oui, plus que pauvres même. Oui. Alors, j'allais travailler à Kigen. Pendant les vacances, quand tu étais enfant, tu allais déjà travailler. Oui, ramasser des patates, toutes les choses qu'on pouvait faire, quoi.